À Paris, au numéro 6 de la rue de Fürstenberg, il y a une grande porte verte. Derrière cette porte, on trouve une cour. Et dans cette cour, un magnifique petit jardin. Ici habitait un immense artiste. Il fait gris ce matin de février 1863. Les nuages ont envahi le ciel. Par terre, l'ombre grignote la lumière. Diable, aurait-elle une petite fringale? Soudain, la neige se met à tomber. Une porte claque. Un homme descend un petit escalier. Il fait un froid de canard, pourtant il transpire à grosses gouttes. A-t-il la fièvre? Sans doute. Mais pas seulement. Cet homme s'appelle... Il s'appelle... Oh, mais... Oh, comment s'appelle-t-il déjà? Du rond? Du triangle? Oh, du carré peut-être? Purée, c'est pas vrai, Laure. C'est Delacroix, mon nom. Mais oui, oh, je sais bien, Eugène. Je voulais te taquiner, voilà tout. Eugène Delacroix brûle d'un feu intense, ravageur, énergique. Le feu sacré de la peinture. Rouge vermillon, bleu indigo, vert émeraude. Sur ses toiles, les couleurs vibrent, elles éclatent. On dirait qu'elles poussent d'étonnants cris magnifiques et féroces. Eugène peint des batailles, des incendies, le désir, la mort et de grands personnages à la gloire héroïque. Delacroix veut être grand et mesuré, oui, dans les 1m85. Mais non, pas du tout. Il veut briller, briller comme un astre pour l'éternité. Va-t-il y arriver? L'art est un jeu dangereux. Pas la peine d'être un poulet pour y laisser des plumes. Qu'importe les tempêtes, les critiques, les attaques, Delacroix tient sa ligne. Elle ne porte qu'un seul nom, la peinture. Alors, qu'en dis-tu? Allez, on se jette dans le poulailler? L'aventure? Eugène naît en 1798. Ses débuts dans le monde sont un peu difficiles. Ou disons, accidentés. À l'âge de 3 ans, 5 fois, il a déjà échappé à la mort. Quelle veine, pourvu que ça dure! L'enfant est choyé, adoré, il grandit. Yahoo! Oh, la vie est belle! Et puis, le tonnerre gronde. Eugène perd ses parents. Après leur mort, il ne reste absolument plus rien de la fortune familiale. Ah, si, pardon. Un pot, une cuvette et deux vases. Le jeune homme reste calme, mais tout au fond de lui, son cœur palpite. Il frémit. J'ai tout perdu. Mais un jour, j'aurai la gloire. Delacroix joue de la musique, il écrit, il dessine. Que faire? Que choisir? À 17 ans, il décide de devenir peintre. Oui, pourquoi pas. Mais comment? Nous sommes en 1815. Eugène vit à Paris. Depuis peu, il est élève du grand peintre Pierre-Narcisse Guérin. Il travaille dans son atelier, il y apprend son métier. La peinture, ça se pratique, c'est physique. Il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Delacroix dessine, peint, fait et refait encore. Il perfectionne sa technique. 3 fois par semaine, Eugène se rend au musée du Louvre pour copier les grands maîtres du passé. Et oui, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Il passe des heures face aux toiles de Véronèse, Velázquez ou Rubens. Il reproduit chaque petit détail. Il se lance un défi. Je serai plus grand. Dans les 1m85? Pardon, excusez-moi. Je ferai mieux. Je les dépasserai tous. Oh, quand tu y vas, Eugénou. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour un peintre de cette époque, cela veut dire exposée au salon. Celui de tes parents? Non, pas tout à fait. Celui du Louvre. Tous les deux ans, des peintres triés sur le volet ont la chance de montrer leurs œuvres sur les murs du fameux musée. Ils peuvent aussi se faire acheter. Au salon, tout peut commencer. En 1822, Delacroix termine l'une de ses premières grandes peintures. Dante et Virgile aux enfers. Sur la toile, on voit Dante et Virgile, les deux poètes, traverser les enfers en barque. C'est la tempête. L'eau est agitée, les corps se tordent, les visages sont inquiets. Au fond, le ciel est sombre. Entre nous, ça fait un peu froid dans le dos. C'est cette toile que Jeanne décide d'exposer au salon. Immédiatement, elle fait grand bruit. Pour certains, c'est l'œuvre d'un génie. Pour d'autres, eh bien... disons que les critiques n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est une tartouillade. Comment? Une quoi? Vous pouvez répéter? Une tartouillade. Bah, je comprends toujours pas. C'est une sorte de tarte. Oh, ça se mange? Mais non, une tartouillade. Une croûte, une nullité. Ah oui, d'accord, je vois. Une chose est sûre, l'artiste est passé de l'ombre à la lumière. Bingo, Eugène, tu n'es vraiment plus n'importe qui. Le peintre se plonge dans le travail. À son époque, on n'a pas encore inventé les tubes de peinture. Une fois préparés, les couleurs sont conservées dans des vessies de porc. Difficile de les transporter et donc d'aller peindre dans la nature, Delacroix œuvre dans son atelier. Pour ne pas être gêné par la digestion, il saute souvent le déjeuner. La vache ! Alors ça, tu vois, j'en serais bien incapable. Il travaille des heures durant, sans s'arrêter. Il ne fait jamais de petite pause pipi. Delacroix, à 23, 25, 27 ans, il cherche, il explore. Ses œuvres ne ressemblent qu'à lui. Oh, on n'a jamais vu ça. Il continue d'exposer au salon, et toujours, il déchaîne. Le passion. Delacroix, il massacre la peinture. Regardez-moi ça. Les proportions, la perspective, rien ne va. Les couleurs passent encore, mais... le dessin, franchement, on dirait que c'est dessiné avec les pieds. Je n'ai qu'une chose à dire. Pouac et repouac. Oui, c'est vrai que le dessin n'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus, mais... la lumière, la douceur des contours, la puissance des mouvements, la vérité des expressions. C'est tout de même infiniment émouvant, vous ne trouvez pas? Non? Oh, grincheux! Heureusement, le peintre a aussi de fervents défenseurs, parmi lesquels de très grands auteurs. Et c'est d'ailleurs dans les pages d'un poète anglais, Lord Byron, qu'il trouve le sujet de l'une de ses plus belles toiles, La mort de Sardanapale. La scène se passe en Mésopotamie. Sardanapale, sanguinaire roi d'Assyrie, sachant l'ennemi à ses portes, incendie son palais. Ses chevaux, ses serviteurs et même Mira, sa maîtresse adorée, tous vont périr avec lui dans les flammes. La toile rougeoie comme des tisons sur la braise. Des rouges, des bruns, des roses font tournoyer la scène, les corps convulsent de douleur. Et tandis que tous succombent dans d'atroces souffrances, le roi, allongé sur son lit, contemple le carnage. Partout, le chaos danse. La peinture est immense. Delacroix, épuisé, la termine à bout de souffle. Qu'importe, le peintre y croit à mort. C'est mon chef-d'œuvre. Avec lui, c'est sûr, je vais frapper fort. Ah oui, je crois qu'on ne pourrait pas mieux dire. La toile fait sandale, elle soque. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai perdu ma dent. La toile fait scandale, elle choque. Pour les critiques, cet étrange mélange, que dis-je, ce gloubi-boulga de corps nus, d'animaux et d'objets ne peut en aucun cas se faire appeler œuvre d'art. Il y en a trop, c'est confus, déséquilibré, grossier et surtout, immoral. En plus, la toile est si grande que personne ne sait qu'en faire. Même les musées n'en veulent pas. Pourtant, bah, ils auraient la place. Pour Delacroix, c'est la dégringolade. Crois-moi, cela ne rime pas du tout avec rigolade. Les commandes se font rares. Le pauvre homme est au fond du seau. Il n'y fait pas très beau. À Paris, également, le ciel est sombre. Le roi Charles X craint pour son pouvoir. Il tente un méchant coup d'autorité. Immédiatement, le peuple se soulève. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, les Parisiens envahissent les rues, ils montent des barricades, les fusils tirent dans tous les sens. Delacroix, qui n'est pourtant pas révolutionnaire, peint l'insurrection parisienne. La toile s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Elle montre une femme, la poitrine nue, ouvrir la voie aux révolutionnaires au milieu du brouillard et du tumulte. La peinture dérange, elle fascine, mais cette fois, l'État l'achète. Eugène jubile. À la bonne heure. Tiens, et si j'en profitais pour prendre un peu l'air, moi? Depuis des années, le peintre rêve de la Grèce, de la Turquie et de l'Afrique du Nord, de tous ces pays qu'à l'époque on appelle l'Orient. En janvier 1832, enfin, il part, destination, le Maroc! La lumière du sud le remue jusqu'au fond de l'âme. Avec passion, il découvre de nouveaux paysages et se perd dans ces immenses marchés qui portent le nom de souk. Eugène se ruine. Il veut tout acheter. Des instruments de musique, des poteries, des sabres, des tissus. Il ne veut surtout rien oublier. Alors, dans de petits carnets, il dessine des femmes, des objets, des paysages. Ces centaines, ces milliers de croquis deviendront plus tard de magnifiques peintures. Delacroix a désormais 34 ans. Lui, qui voulait être grand, veut se faire éternel. De retour à Paris, l'artiste réfléchit. Les peintures sont fragiles, elles peuvent s'abîmer, disparaître. Comment laisser une trace qui dure jusqu'à la fin des temps? Puis, il se sert un petit thé. Plus tard, dans la nuit, il se réveille en sursaut. Ça y est, il a trouvé. Les murs! Je vais peindre des œuvres gigantesques sur des murs. Oh, bien sûr. Pas n'importe quel mur. Delacroix est choisi pour décorer des bâtiments importants comme le Palais Bourbon, l'église Saint-Sulpice ou encore la prestigieuse galerie d'Apollon au musée du Louvre. C'est un travail épuisant, titanesque. Entouré d'assistants, Eugène peint dans le froid, perché sur de grands échafaudages. Sa santé qui, déjà, n'était pas bien bonne, se dégrade. Delacroix tousse, il a la fièvre. Mais il continue de peindre. C'est plus fort que lui. En 1855, 36 de ses toiles sont exposées au Palais des Beaux-Arts. 1 million de personnes se déplacent pour admirer son travail. 1 million ? Waouh ! Ma foi, c'est la consécration ! 2 ans plus tard, il s'installe au numéro 6 de la rue de Fürstenberg. Là-bas, il fait aménager l'atelier de ses rêves. Jenny Le Guillou, sa fidèle gouvernante, barre la route à quiconque voudrait le déranger. Ainsi, le peintre peut travailler des heures, sans s'arrêter et, bien sûr, sans jamais faire de petites pauses pipi. Delacroix a remis son époque. Il a dérangé, choqué, fasciné. Il voulait peindre la grande histoire, non pas de façon réaliste, mais telle qu'il la rêvait. Avec lui, la peinture a changé. Ses toiles sont déséquilibrées, vivantes, bouillonnantes. Ses couleurs, si intenses, comme des flèches décochées à toute allure, touchent le spectateur en plein cœur. Pour toutes ces raisons, on a fait de lui le chef d'un courant qui s'appelle le romantisme. Les peintures de Delacroix, en réalité, ne font pas toutes trembler la terre. L'une de mes préférées se trouve au musée du Louvre. Dans un appartement, à Alger, des femmes se prélassent. La lumière caresse les visages, les couleurs sont splendides, l'atmosphère très douce. Au premier plan, on voit trois minuscules babouches. À qui appartiennent-elles? Dis-moi. Ce ne serait pas toi qui viens de les laisser ici? Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne-Sophie Ladonne, Basile Bocquer, les équipes du Musée du Louvre et du Musée de la Croix, et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Le dernier atelier du peintre, au 6 rue de Fürstenberg, est aujourd'hui un musée, le Musée National Eugène Delacroix. N'hésite pas à aller le visiter. Tu pourras voir ses palettes, le coffre dans lequel il rangeait les trésors qu'il a ramenés du Maroc et bien sûr, quelques merveilles de peinture.